abandonne la forme, donc le despote éclairé, Dieu va vous apporter la solution. Pour moi, c'est foutu. C'est visé d'avoir ça. Voilà. Après, oui, après, on va revenir sur la CNT en 36. La CNT, c'est quand même quelque chose qui est encore assez récent. Il faut voir que ça a quand même une explosion en nombre d'adhérents, c'est 1,5 million de personnes, en pas tant de temps que ça, c'est quand même une grande réussite. Après, le problème, c'est ça, c'est qu'on puisse parler de base et de sauver. Dans une organisation libertaire, c'est déjà un échec. C'est que déjà, pour cela, c'est quelque chose qui n'a pas marché. Alors effectivement, après, bon, je ne sais pas si c'est intéressant de revenir là-dessus aujourd'hui, mais revenir justement sur les modes organisationnels qui étaient celui de la CNT et qui fait que ça a pu amener à des dérives comme ça, où vous pouvez mettre des leaders et puis pas une base et donc, des gens qui puissent prendre la décision pour qui puissent se couper et prendre des décisions pour les autres. Ce qui est totalement pas du tout syndicaliste et à mon sens contre-révolutionnaire. On parle de la révolution espagnole, donc c'est bien en Espagne, ça s'est passé, donc ça a un caractère national. Et donc, est-ce que la vocation de la révolution, c'est quand même l'émancipation, et l'émancipation, c'est une vocation universelle. Donc, je ne sais pas, moi j'ai pas d'éléments, comment ça s'est passé. Et justement, vous disiez que vous avez bien dit que ça a commencé en Catalogne, qu'il y a eu donc puis après ça, ils ont dit, bon allez, on va à Madrid, pourquoi ils ne seraient pas allés sur Perpignan? Je ne sais pas, non, mais... à travers ce que je dis, je pose la question de, est-ce que la... comment ça s'appelle, l'erreur, s'il y a une erreur. Parce que c'est pas contradictoire de voir que, bon, ben, finalement, si on se dirige vers une révolution nationale, ce qui est d'ailleurs dans les termes, hein, CNT, Confédération Nationale du Travail, bon, Association Internationale des Travailleurs, comment justement cette contradiction qui est d'être nationaliste, on peut le dire, d'avoir une vocation nationale et d'avoir une vocation internationale, c'est une contradiction qu'il faut assumer. C'est pas... A priori, bon, on peut dire oui, les erreurs, machin, truc, mais n'empêche que être ministre dans un certain contexte politique, parce qu'il faut voir que la CNT, c'est à cette époque, c'était une association dans un contexte politique qui fait qu'ils ont été amenés à faire des alliances et à aller au gouvernement. On peut dire que c'est une erreur, mais on peut aussi dire que c'est une logique qui a amené à, parce que effectivement c'était une révolution espagnole et nationale, quoi, hein, qui s'est passé dans ce contexte là voilà ce que je voulais dire, essayer par rapport au débat donc le caractère entre le fait national et international et quelle était sa nature. Quelle est la nature de cette révolution par rapport à une émancipation universelle, quoi. Voilà. Je vais improviser beaucoup de choses, donc je vais essayer de sur quatre problèmes. La première chose, c'est que le distinguo base sommet, c'est nous qui le faisons. Je pense que dans les années 30 en Espagne, personne, aucun adhérent de la CNT ne vivait la CNT comme une base sommet. Pourquoi? Parce que même au comité national ou régional, n'importe quel militant pouvait s'y retrouver à condition de devenir suffisamment détaché pour l'être. Et pour être détaché, tu peux être patron de football de révolteur, tu faisais des de prison, tu n'allais pas le détacher, ou tu organisais une grève, enfin, des choses qui sont à la portée de tout militant, et donc qui étaient Non mais la réalité c'est celle-là. Lisez les brochures de l'époque, Frédéric Avancelli vivait en écrivant des brochures à l'eau de rose avant la révolution. C'était un secteur, tout ça, mais ils en sortaient une par semaine. Ça se vendait comme des petits pains. Et la trame de ce genre d'histoire, c'est ça. Un jeune ouvrier aime une jeune ouvrière, le patron viole la jeune ouvrière, et le jeune ouvrier tous les patrons. Une histoire à l'eau de rose, à la fausse indication, la plusieurs de la parenthèse. Il y a plusieurs modèles de cette brochure-là. Ça se vendait beaucoup, c'était. Voilà. Donc, première chose, les bases sont mises, je crois que c'est vraiment une façon de voir a posteriori et à travers des lunettes qui sont les nôtres de l'analyse, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Hein. C'est-à-dire que les leaders les plus connus de la CNED, n'importe quel autre militaire, allaient chez eux. C'est vraiment une autre vision des choses. La deuxième, après, par rapport à ce que tu disais, moi je crois qu'il faut être, essayer d'être simple, mais pas simpliste. C'est pas parce que les militants étaient détachés qu'ils sont devenus ministres, parce qu'il y aurait eu plus de 4 ministres à ce moment-là. Parce que les militants détachés, il y en avait quelques milliers, pour ne pas dire plus, et certains, comme Philippe Alaïf, qui étaient beaucoup plus célèbres que les autres, qui ne sont pas devenus ministres. Et à l'inverse, des gens pas du tout détachés, comme le disait, se sont retrouvés dans des postes tout aussi importants, clés de l'organisation. Donc la capacité d'une organisation à sécréter à un moment une espèce de bureaucratie n'est pas directement liée au fait d'avoir des militaires. Voilà. C'est un peu plus subtil que ça. Et la troisième chose par rapport à ce que tu disais à un moment, le discours a eu des accents nationalistes. Voilà. Si je me souviens bien, à un moment, il a parlé de nous autres, les Celtes verts, je ne sais pas si c'est dans le livre. Mais si tu veux, moi, je crois que le problème, c'est que si tu peux dire ça, c'est que ça préexiste. Et moi, je crois que ça, c'est le point de la clarté idéologique. C'est-à-dire, si Federica Monselli, à un moment, peut dire nous autres, les Celtes verts, ça me fera mourir de rire ça. C'est que les gens n'ont pas bien posé la question, ils se considèrent comme... Et ça, de fait, moi je ne sais pas comment c'était infantile, mais en 70, par exemple, l'hispanocentrisme des militants de la CNDT était quelque chose d'assez atterrant. Et donc ils te disaient, mais on est internationaliste, et nous on disait, oui, la preuve, il y a des Asturiennes, des Andalous, des Marocains, ils sont internationalistes, ça me faisait beaucoup rire. Voilà. Et quand on leur disait ça, ils disaient, mais oui, tu vois. Voilà, moi je crois que dans l'idéologie espagnole des années 30, il y avait quelques points qui n'étaient pas, qui bien creusés. Celui-là, justement, fait d'ailleurs, au fait, celle qui vous organise cet après-midi est typique. Qu'est-ce qu'il y a? Des gens qui vont danser du flamenco, et d'autres qui vont chanter des rotas, et le troisième, je ne sais pas quoi. Voilà, bon, 70 ans après, quand même, bon, c'est un petit peu fort, quand même, un peu l'ancrage, voilà. Donc, moi je crois qu'il y a ça, cette question de la nation, de la nationalité, n'a pas été assez creusée, de même que tout ce qui tourne autour de la morale, notamment sexuelle, vie individuelle, tout ça. Parce que alors, si vous lisez les textes de l'époque, vous les doigts. Pour pas vous dire, pour pas dire, vous faites autre chose, en tout cas, vous n'aurez plus à l'avoir. Voilà. Donc, voilà. Même si. Alors, ce qu'il y a de paradoxal, c'est qu'après, sur le plan économique, politique, tout ça, ils avaient une pensée remarquable, surtout pour des gens qui partait de rien, voilà, mais d'où l'intérêt d'avoir quand même, je crois, une vision critique sur la société, puis sur nos propres idées globales, et ne pas faire un axe de oui, là, on est c'est dans la lutte de classe, on est contre le patron, et puis le reste, donc, je crois que voilà, ça c'est le... Et la dernière chose par rapport à la question que tu posais, c'est une question fondamentale. Mais il faut se rappeler que nous sommes en 1936, et qu'en 1936, Hitler est au pouvoir en Allemagne, il y a un certain Mussolini en Italie, il y a un certain Salazar au Portugal, et qu'en France, c'est encore le Front populaire, mais que ça va être bientôt pété. Autrement dit, la Révolution espagnole, elle a lieu dans un contexte de montée du fascisme extraordinaire. Et que, si tu veux, les copains espagnols, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le feu, alors ils peuvent, chez eux. Pourquoi pas Perpignan? Parce que à Perpignan, il y a un anarcho-syndicaliste, c'est moi, là, ou deux. Voilà. C'est-à-dire que le reste du mouvement révolutionnaire dans le monde est nul. Soit les gens se vont baisser et ils sont dans leur pacte Hitler-Staline, tout va bien, soit il y a la pente. Et donc la capacité à exporter manque, et effectivement c'est un des trucs qui va étouffer la révolution, parce que justement les gens qui ont une vue un peu globale comprennent très bien qu'ils ne vont avoir absolument aucune aide de Hitler-Staline, et que l'Espagne a une faible capacité de production d'armes. Et certains pensent justement qu'en donnant des gages de démocratie républicaine, sourire, n'est-ce pas, ils vont peut-être avoir des armes de la République française, le premier voisin de l'Angleterre. Et la République française, ça ne passe rien du tout, et voilà. Ça fait partie aussi des choses qui expliquent sûrement la stratégie de certains militants, qui se disent, bon, ben, voilà, on est de gentils révolutionnaires, et donc, il n'y a pas un ou deux canons qui traînent. En fait, ils n'ont reçu que quelques trucs payés à prix d'or et de l'URSS, qui ont été des épaves, des avions qui sautaient en vol, en fait, les pilotes qu'ils avaient, et le seul pays qui avait des armes, c'est le Mexique. En fait, c'était loin, donc un bateau de temps en temps. Donc ça fait partie, effectivement, tu as raison. Hein. Cette dimension-là, moi je pense qu'elle n'était pas absente de leur réflexion, mais de leur moyenne. les yeux, moi, je m'en liste. Comme celui qui a dit il a été formé, moi je prends du de là. Simplement, petite rectification sur les arbres en fait. Et des tableaux, des entrées d'arbres qui ont été faits entre ce qu'ont reçu les républicains. Pas forcément les anarchistes, hein, voilà, voilà. Et ce qu'ont reçu les nationalistes, les républicains. Alors, on a tous eu dans notre petite histoire où voilà, les républicains ils se battaient avec des bouts de bois et. Les nationalistes avaient de bonnes armes, etc., etc. Les républicains n'avaient pas d'armes et tout. Qu'elles étaient mal réparties, ça c'est un fait. Les communistes se gardent de meilleures armes pour elles. Les tableaux d'entrée qui ont été faits à l'époque, il y a plus d'armes livrées aux républicains qu'aux nationalistes. Petite question, ça prend mon départ, le stock de départ en compte. Non. Voilà. En France, ils avaient des armées hyper équipées. Donc, effectivement, par exemple. Ça, ça livrait plus de tanks à l'Espagne que à les nazis. Ou... Les autres avaient. Voilà. Il y a eu que la création. Pourquoi, mais c'est avec un stock de départ, si tu veux, considérable. Et en France, effectivement, les mineurs algériens, quand il faut sauter des tanks, ils le font avec des bouteilles de Coca-Cola, des bouteilles de vin, remplies de pétrole, je ne sais pas quoi, qu'ils mettent dans le canon du tank. C'est comme ça. Ça se passe dans la rue de Tokyo. Et effectivement, quand tu vois Barcelone, quand les gens se lancent à l'assaut de la caserne, il y a un fusil pour lui, c'est n'importe. C'est ça, ils sont lancés à fond la caserne. Mais bien entendu, ils vont aller récupérer, mais les mecs, ils partent. Effectivement, après, il y a eu des livraisons de la sécurité qui sont allés, effectivement, essentiellement, tous les prisonniers sont allés partir au ministère. Et ensuite, sur justement, parce qu'on parle d'autocritique, je pense pas que l'histoire se répète par rapport à tout ça. Il y a eu une situation à l'instant T, à un moment donné, dans un endroit, etc. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, si on avait une situation révolutionnaire, ce serait la même chose. Donc on ne peut pas dire non plus, effectivement, si on peut dire qu'ils ont fait des erreurs, effectivement, on voit avec 70 ans de recul. Sur le moment, rien nous dit que même avec ces 70 ans de recul-là, on ne ferait pas strictement les mêmes erreurs d'une façon détournée. Un peu pire. Voire même un pire, effectivement, ça serait peut-être un petit peu. Mais cette question-là, au-delà de l'autocritique, au-delà de. Effectivement, l'histoire ne se répète pas, vraiment, ce que pose la révolution espagnole, c'est la question du pouvoir, la centralité du pouvoir et de qu'est-ce qu'on fait du pouvoir. Est-ce qu'on se débarrasse du pouvoir, comme l'ont fait certaines communautés d'Aragon, comme l'ont fait certaines communautés de Catalogne, ou est-ce qu'on considère que le pouvoir est toujours là? Et moi, j'ai toujours considéré qu'à un moment donné, on pouvait, enfin, ça c'est les trotskistes qui vont dire ça, mais oui, on va maintenir un état révolutionnaire après une période de guerre révolutionnaire, etc. etc. Et le meilleur argument à rétorquer aux trotskistes, etc., etc., c'est justement l'exemple de la CNTSP. Parce que pour moi, c'est là véritablement l'erreur, c'est qu'ils ont effectivement maintenu ce pouvoir, donnant lieu à penser que ce pouvoir pouvait récupérer ce qui s'est passé. C'est véritablement ça le problème de la CNTSP à l'époque. C'est de ne pas voir ce danger-là, c'est de ne pas voir le problème que de maintenir une forme d'État, une forme de pouvoir, ça laisse les fenêtres ouvertes, les portes ouvertes et une autoroute pour que la bourgeoisie sous les habits du Parti Socialiste ou les habits du Parti Communiste ou sous les nationalistes puissent se dire effectivement, ah, tiens, on va le récupérer. Puisqu'eux-mêmes, même les anarchistes qui veulent l'exclusion de pouvoir, ont maintenu ce pouvoir-là. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment ça aussi, à mon sens, alors ça c'est un sens politique historique, que la révolution a perdu. Si du jour au lendemain, effectivement, la Catalogne tout entière, une grande partie de l'Aragon avait eu ce mode d'organisation totalement autogéré, sans maintien de pouvoir, et effectivement, sans magouille entre la CNT, le PSUC, le PUM, pour avoir des postes de ministre, tout ça. Est-ce que véritablement les nationalistes auraient eu intérêt à reprendre une région, un endroit, où ce pouvoir était complètement disloqué? C'est vraiment cette question-là qui est super intéressante et qui a été malheureusement très peu traitée. C'est vraiment une question où on parle beaucoup effectivement des erreurs, etc., etc. Mais cette question-là de la centralité du pouvoir et même de la centralité du pouvoir dans les discours des anarchistes, puisqu'on dit bien prendre le pouvoir. Et pour moi, en tant qu'anarchiste, ça me pose problème de dire je prends le pouvoir, je ne prends pas le pouvoir, je redistribue le pouvoir. C'est... Moi, je m'étais marqué là, de tout ce qui a été dit. Moi, j'ai pas trop la culture anarchiste ni révolutionnaire, mais j'ai le cœur qui est plus beau là-dessus. Le pouvoir, pour moi, ça ne veut pas dire du tout la même chose. Ouais, si quelqu'un, si je vire le pouvoir pour mettre quelqu'un dans son pouvoir, ça ne m'intéresse pas, que je préfère rester chez moi et laisser comme c'est. Donc là, si je suis là, c'est pas comme ça. Mais je vois... Après, j'ai du mal à. J'ai pas trop bien toujours saisi comment un tel qu'un anarcho-syndicaliste on a pu mettre des leaders. Ou... Et j'ai toujours pas compris ce truc-là. J'ai du mal. Quoi. Donc voilà. Et après, ouais, toujours le question de voir, c'est comme tu disais, par rapport à la pyramide, quoi, on est toujours dans ce système-là, et ça fait des années qu'on est dans ce système-là. Quoi. Il y a toujours eu, on a, à croire aussi qu'on en a besoin. Parce que si on laisse un pouvoir, c'est les gens aussi qui le laissent. Quoi. C'est tout le monde qui laisse le pouvoir en place parce qu'on dit c'est bien pour nous. On dit voilà, bon, ça c'est bien, on va le laisser parce que, puis même si ça va pas, oh, c'est pire ailleurs, ou je sais pas quoi, mais bon voilà, quoi. Il y a tout un truc où on pense qu'on a toujours besoin de quelqu'un qui va nous dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, plutôt que nous dire ce qu'on va faire, quoi, ou ce qu'on fait. Et apparemment, ce qui s'est passé dans les révolutions, c'est ça, quoi. Il y a eu des mouvements spontanés, des gens qui ont dit bon, il y en a marre, il faut créer une nouvelle société. Mais en fait, ils ont créé une nouvelle société pour remettre, ils ont enlevé un pouvoir, pour remettre un autre pouvoir. On a viré des rois, et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Et ils ont les mêmes meubles. Donc voilà. C'est tout. Il y a un bon ouvrage qui a été fait par Peyrats, c'est La scène de Thé, la révolution espagnole. Je ne sais pas si ça a été traduit en... Ça a été traduit en français. Le complet. Et dans cet ouvrage, bon, il fait référence au problème de la dualité de pouvoir, et il dit la constitution du gouvernement de la généralité amène la dissolution du comité de milice dans la dualité de pouvoir qui est un député du 19 juillet, triompher la généralité. Ça voulait dire donc que c'est à partir de ce moment commence la guerre des consignes contre les incontrôlés, la nécessité de la discipline et du mando unico. Je faisais allusion à guerre militariste contre guerre guérilla. Il est bien évident que le mando unico, ça impliquait, au niveau du pouvoir, beaucoup d'éléments. Commandement unique. Peyrats fait par la suite allusion au propos de Dorothy. On utilisera ensuite, jusqu'à l'extrême, une phrase confuse de Dorothy, en l'utilisant de manière contre-révolutionnaire. Renunciamos a todo, menos a la victoria. Non, mais je vous lis parce que il a très bien résumé le truc. Qu'est-ce que disait Dorothy en réalité à la presse madrienne à ce moment? Dorothy est mort très rapidement. Hein. Il a été liquidé le 20 novembre. Hein. 3 mois, ça fait quoi? Juillet? En 4 mois, c'était fini. Hein. Il était liquidé. En cuanto a mi columna, estoy satisfecho de ella. Nosotros hacemos la guerra y la revolución al mismo tiempo. C'est-à-dire que pour Dorothy, le problème de la guerre, c'est celui de la révolution et vice-versa. C'était bien la guerre révolutionnaire. Et s'opposer au monde unico, à la militarisation, etc. Tout, c'était tout à fait clair. Ça, c'est l'ouvrage donc, de Peyrats qui est. Ensuite, pour les. Moi, je voudrais revenir aussi, parce que l'autocritique, c'est une chose, mais dans ce cas, il faut être juste jusqu'au bout. Parce que parmi les ministres anarchistes de la CNT, il y en a eu un qui était d'ailleurs un des plus réformistes, qui était un trentiste, qui était Juan Peiro. Il faut savoir comment quand même il est mort pour vous montrer quand même la force de caractère, parce que c'est comme ça qu'on peut comprendre aussi pourquoi les militants leur faisaient confiance. Il faut savoir quand même que depuis les années 30, avec l'expansion de la CNT, l'extrême droite, et notamment la Falange, avait essayé de récupérer des éléments anarcho-syndicalistes. Il n'était pratiquement jamais arrivé, bien qu'elle ait tenté la confusion. La Falange, qui était le parti d'extrême droite, avait pris les couleurs rouge et noir de la CNT, etc. Et tout. Bon, je passe sur les remarques extrêmement droites. C'est pas un qui vient de droite. Remarque. Donc il avait pris tout ça pour attirer la population, parce qu'il voyait bien que les idées anarcho-syndicalistes passaient dans l'extrême droite. Et dans le projet de Franco, il y avait un syndicalisme, je crois que c'est le syndicalisme vertical, syndicalisme vertical. Il avait essayé justement de débaucher des cadres de la CNT, des militants connus de la CNT, pour faire sa petite soupe franquiste, quoi. Et Peyrot, bien entendu, en 1939, passe en France, quoi. Peyrot qui était ministre de la République espagnole, ministre de la CNT. Et comme il est en France et que la France très rapidement tombe sous le joug fasciste et nazi, eh bien, Peyrot, en tant qu'anarchiste, il est extradé, avec Companys d'ailleurs, vers l'Espagne. Et là, il a la proposition de Franco d'avoir la vie sauve en échange de sa collaboration dans la création du CNS. Et Peyrot refuse. Et il payera ce refus de sa vie. C'est-à-dire, voilà qui on a affaire à cette époque-là. Ce sont des gens qui ont une force de caractère très importante, bon, qui défendent les idées. Bon, on peut polémiquer avec eux, on peut ne pas être d'accord. Mais la critique, elle doit être d'un côté forte, mais il faut être juste. C'est-à-dire que c'était des gens qui croyaient à leurs idées et que S'ils ont fait ça, c'est effectivement parce qu'ils pensaient que, vu le contexte international, que vu tout ce qu'on a dit, eh bien, c'était juste. Nous, on dit actuellement, bon, peut-être que ça allait un peu loin, peut-être que... Mais bon, il faut quand même ramener les choses à leur juste niveau. Et si les gens faisaient confiance à des militants comme ça, c'est aussi quelque part parce que voilà, ils le méritaient aussi de par leur passé, de par leur action. Alors effectivement, ils ont pas été toujours au top, mais bon, dans l'essentiel, ils n'ont pas trahi. Ils auraient pu, beaucoup d'entre eux auraient pu avoir la vie sauve et faire des carrières très importantes, quoi. Voilà. Moi, par rapport à ce que tu disais, effectivement, la question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on fait du pouvoir, une révolution. Et il me semble que ce qui s'est passé dans le large de l'Espagne, localement, c'est que les gens s'en sont débarrassés, effectivement. Totalement. C'est-à-dire qu'il y a des zones entières, des cantons qui ont vécu sans argent, sans, avec des modes de répartition tout à fait, très relativement, très égalitaires, etc. Choses comme ça. Là où ils ont évidemment, entre guillemets, peut-être eu un manque, c'est qu'ils le faisaient chez eux, ça se faisait dans la communauté à côté, et ils ont pensé sûrement que ça se ferait partout comme ça spontanément, sauf que ça ne s'est pas fait partout, et qu'ils ont perdu de vue que peut-être 100 km plus loin, non seulement ça ne se faisait pas, mais ils se reconstituaient un pouvoir qui allait les bouffer. Mais je crois que c'est ce moment même, celui de la révolution espagnole, c'est que les gens mettent en œuvre, font, soit ils n'ont pas la force de le faire à l'étranger, soit ils n'ont pas la vigilance nécessaire, bon, mais en même temps, comment le reprocher? C'est-à-dire que c'est déjà bien joli de faire dans ta petite commune, voilà, de le mettre en œuvre. Et après, par rapport à ce que disait Olivier, effectivement, Pedro, c'était le plus réformiste. Donc, quand on voit ce qu'était un réformiste de la CNT en 36, on imagine ce que c'est les autres. Voilà. Et dans les mêmes périodes, quand même en France, il faut voir quand vous arrivez de Pétain au pouvoir, des soi-disant syndicalistes révolutionnaires ou les anars vont aller dans le syndicat officiel fasciste, puisque Pétain va monter la charte de travail qui est l'équivalent du CNS en Espagne. Et il ne va pas avoir de mal à débaucher, pas du tout avec le fusil dans le dos. De soi-disant en français, et des concours, on ne parle pas des chefs du Parti communiste ou des choses comme ça. Donc, c'est là où on voit la force de l'idéologie dans un cas et la faiblesse dans l'autre, quand même. C'est Doriot. Doriot, et puis, on l'avait donné dans le bordier, pas, mais vous avez déjà. Il a travaillé de Pétain avec le personnage. Qui donc? Oui, si tu travailles. C'est possible, la peine secrétaire d'État, je pense. Il n'était même pas ministre. C'est quelqu'un qui a été quelque chose, le nom ne me revient pas, mais c'est un acteur de la charte du travail.